Chapitre 9. Si Demian n'eut pas les oreilles tirées ce jour-là, c'est que tout le monde était couché depuis longtemps quand il rentra au logis avec Victor. On avait fait de la musique fort tard, et tout le monde avait l'air de s'en réjouir, à tel point que le père Arsène aima mieux s'imposer secrètement 2 jours d'abstinence pour compenser cet excès de plaisir mondain que de troubler la fête en se retirant. Mais le lendemain, dès l'aube, le jeune homme reçut une verte semonce. « Si je ne pensais que j'en aurais du désagrément, » conclut le père Kouzma, après un sermon où il avait fait preuve d'une éloquence peu ordinaire, « je t'aurais défendu de retourner chez les seigneurs, et j'aurais fait du feu avec ton violon de malheur. Mais c'est encore moi qui aurais tort, et je ne veux pas avoir de reproches à cause de toi. Tu retourneras au séminaire après les vacances. Ton violon disparaîtra pour jamais, et l'année prochaine il n'en sera plus question. » Demian, frémissant, écouta son arrêt sans mot dire. Il savait qu'il n'y avait pas à discuter avec son père. Autant celui-ci manquait de fermeté dans les actions de sa vie ordinaire, autant, lorsqu'il avait décidé quelque chose, il s'y attachait avec obstination, prenant alors son entêtement pour de la force. Quand le père Kouzma eut terminé son discours, son fils le quitta avec les formes extérieures du respect et avec la résolution implacable de ne jamais rentrer au séminaire. Au lieu de prendre Victor pour confident, comme cela eût été naturel, il se glissa mystérieusement chez M. Roussoff le samedi suivant, pendant que son père célébrait l'office du soir. Il n'assiste ordinairement à cet office que le personnel de l'église, plus quelques désœuvrés, les vieillards infirmes, en un mot, ceux qui n'ont rien à faire ce jour-là, et ceux-là sont rares dans les pays civilisés. Le Seigneur, en ordonnant que le dimanche serait un jour de repos, a préparé bien de l'ouvrage à tout le monde pour le samedi soir. Madame Roussoff, comme toute bonne ménagère, se livrait à des travaux mystérieux au sein des buffets et des armoires dans l'office et dans la lingerie. Sa fille l'assistait. Benjamin confectionnait un cerf-volant, qui d'ailleurs refusa toujours de s'élever, et le jeune homme trouva le médecin dans son cabinet de travail. Lui seul n'avait pas l'air de se douter qu'on était au samedi soir et qu'il eût dû s'escrimer à quelque rangement extraordinaire. « Te voilà, Demian, » dit M. Roussoff. « As-tu été bien grondé l'autre jour ?»« Oui, monsieur, » répondit le jeune musicien. « Ton père t'a défendu de jouer du violon ?»« Pas pour cet été, mais après votre départ, ce sera fini, et je ne reverrai plus mon instrument. » M. Roussoff joua nerveusement avec le couteau à papier qui était à portée de sa main, et répondit, sans regarder son interlocuteur, « Allons, c'est très bien. » Le silence se fit, puis se prolongea tant et si bien, qu'à la fin ils levèrent la tête tous deux en même temps et se regardèrent. « Cela te convient ?» demanda le médecin, qui lisait dans les yeux du jeune garçon quelque chose d'insolite. « Non, monsieur, cela ne me convient pas. Que veux-tu faire alors ?»« Je veux vous demander de me dire ce que je pourrais faire. À quoi je pourrais gagner ma vie, pour continuer à étudier la musique, parce que j'ai l'intention de ne pas rentrer au séminaire. « Ah !» fit le médecin, avec un soupir, qui pouvait passer pour du soulagement. « Et tu as annoncé ton intention à ton père ?»« Non, monsieur, et je ne veux pas lui en parler, ce n'est pas la peine. »« Très bien. Et tu viens me demander de t'aider à désobéir à ton père et à prendre la fuite ?»« Oui, monsieur. » C'est vous qui m'avez appris la musique, c'est vous qui m'avez donné mon violon, et je pense que vous ne m'abandonnerez pas dans un moment difficile. Parfait. Et ton père, qu'est-ce qu'il dira quand tu seras parti? Il sera très mécontent, je le sais bien, mais que voulez-vous que j'y fasse? Je ne veux rien du tout, mon garçon. Et s'il s'en prend à moi? Vous êtes à Moscou, monsieur Roussoff, et d'ailleurs vous n'avez pas besoin de dire que vous m'avez aidé. C'est juste. Un bienfaiteur doit être modeste, c'est trop juste. Et tu as arrangé tout cela? J'ai pensé que vous aviez de l'affection pour moi, monsieur, et que vous portiez intérêt à ma musique. De mieux en mieux. Et ton frère, qu'est-ce qu'il dit de ses beaux projets? Il dit que vous m'aiderez à trouver une place pour vivre en attendant que je gagne de l'argent avec mon violon. Monsieur Roussoff déposa son couteau à papier, s'appuya sur le dossier de son fauteuil, et se sourit à lui-même. Ceci était absolument ce qu'il avait prévu, mais il n'avait pas espéré rencontrer dans ce jeune garçon tant de résolution ni de dignité simple. Il s'était attendu à ce que Demian lui demanderait les moyens de vivre et non celui de gagner son pain lui-même. « C'est bien, mon ami, » dit-il d'un ton tout différent de celui qu'il avait employé jusqu'alors. « Tu peux compter sur moi. En effet, je t'ai appris à aimer la musique. Pour le moment, c'est un mauvais service que je t'ai rendu, puisqu'il te met en opposition avec ton père. Mais peut-être plus tard, sera-ce un bienfait. J'espère qu'alors tu t'en souviendras comme aujourd'hui. Me comprends-tu ?»« Oui, monsieur, » répondit Demian, suffoqué par la joie. « Eh bien maintenant, fais comme si je ne t'avais rien dit. Ne t'inquiète pas. Tâche de ne pas irriter inutilement ton père. Et quand le moment sera venu, nous aurons ensemble un autre entretien. Jusque-là, il est inutile que nous reparlions de tes projets. » Demian resta immobile. Il trouva le mot « merci » bien banal, et sa reconnaissance voulait s'exprimer à tout prix. Comme le médecin le regardait, étonné de son silence et de son immobilité, le jeune homme avisa sur la table une photographie qui représentait Groucha et son frère enfant se tenant par la main. Il la prit, l'embrassa vivement à deux reprises, puis la remit à sa place en disant « Je vous remercie, monsieur. Bonsoir. » Il sortit, et M. Roussoff, en tête-à-tête avec sa nouvelle décision, tout en se disant qu'il venait de se mettre un gros embarras sur les bras, ne put s'empêcher de penser que Demian n'avait pas l'esprit fait comme tout le monde. Mais afin de n'être point contrecarré, il ne parla de cet entretien qu'à sa femme, et personne autour d'eux ne se douta de l'escapade du jeune homme.